À l'occasion de la nouvelle année, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a fait parvenir un message de félicitations au dirigeant suprême Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée. Il souhaite santé au maréchal coréen et bonheur et prospérité au peuple coréen ami. Il souhaite également des succès cette année aussi dans les efforts communs pour la paix, la solidarité et le progrès du monde. Pour finir, il exprime son plus noble hommage au maréchal coréen.